fois par mois, de 17h à 18h, calez votre transistor sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence pour écouter Un coup d'œil dans le rétro. Bonjour à tous, vous êtes sur Fadjet, bien sûr, le 94.2, ou peut-être sur le net, fadjet.net. Bienvenue dans notre émission Un coup d'œil dans le rétro. Alors une fois par mois, nous décryptons toute l'actualité du rétro qui fait son grand retour. Depuis plusieurs années, on vous informe sur les tendances musicales, la mode, la déco, mais aussi les sorties au niveau local et national. En somme, une émission où on vous parle du passé au présent. Alors, on a une équipe astronomique, on peut le dire ainsi. Nous sommes au nombre de 6, n'est-ce pas, Anaïk ? Tout à fait, François. Voilà, déjà toi qui es déjà là depuis quelques années. Oui, je suis toujours là. Et l'équipe qui s'agrandit, tu vas nous les présenter, tiens, rapidement. Alors rapidement, eh ben on a Christelle, Kiki, quand même, qui nous a rejoint depuis plusieurs mois. Par ordre, voilà, de d'apparition. Voilà. Après, on a Clément aussi qui revient aussi avec une nouvelle chronique. Voilà. Salut, voilà, Clément, qui était venu parler du jazz à 100 ans, entre autres la première, peut-être du Club Saint-Lambert en tout premier. Oui, en tout premier, c'était ça, je crois. C'était exact. Ça. Ouais. Et deux petits nouveaux, ils sont venus. Ils sont beaux, regardez, ils sont tout bien peignés. Et c'est Laura et Adrien, voilà, qui sont là avec nous et qui nous rejoignent. Alors justement, le sommaire du jour. Alors donc au sommaire du jour, donc on va parler de plein de choses aujourd'hui, notamment de la naissance de la couture avec Christelle. D'accord. Clément nous fera donc une nouvelle chronique sur un compositeur de musique américaine très célèbre. Donc je n'ai pas le dévoiler pour l'instant. On parlera aussi avec Laura des cabines téléphoniques, hein, voilà. Ah bon. On va apprendre plein de choses. Et puis Adrien va revenir sur un objet culte, la Super Nintendo. Et puis on abordera les sorties aussi locales, voilà, qu'il y a à faire dans le coin pour les prochaines semaines. Donc un beau programme, on est ensemble jusque 18h. Nous sommes vendredi 20 octobre. On arrive tout doucement vers le week-end. Profitez-en parce que nous on en profite. Vous êtes à l'écoute de Fadjet et c'est un coup d'œil dans le rétro. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on commence tout de suite avec notre première chronique du jour, c'est Kiki, c'est toi qui lance le bal, c'est comme ça. Et la couture sous toutes ses formes. C'est ça, je vais vous parler de la naissance de la couture donc. Alors, à savoir qu'avant 1848, l'industrie de la mode était dépendante de clients aristocrates et royaux. On est sous Napoléon III, il faut le redire quand même. Le couturier obéissait simplement aux ordres du client. Le client, lui, s'adressait au mercier pour se procurer des étoffes qu'il fabriquait manuellement. Et c'était encore le pouvoir qui imposait ces tissus-là. D'accord. Coudre un vêtement pour un couturier, du coup, c'était donner à une ouvrière le tissu pour réaliser les modèles qui étaient uniques et inspirés de la presse de mode. Et attention, c'est Charles Frédéric Worth, qui est un couturier français d'origine britannique, qui a fait péter ses codes et a inventé la couture comme on l'entend aujourd'hui. Donc c'est grâce à lui en fait. C'est grâce à lui. D'accord. Alors comment il a fait ? Oui, vous allez me demander comment il a fait, c'est ça. Et ben, c'est le premier à créer sa propre entreprise à Paris, rue de la Paix, en 1858. Et il invente ainsi le principe de la maison de couture. Jusque-là, le couturier exécutait, c'était uniquement un artisan. C'est pas si vieux que ça quand même, ben finalement. Non, c'est pas vieux. Finalement. Il est le premier homme qui coud, avant c'était vraiment uniquement que des femmes. Il réussit à convaincre le public que la création de mode est un art appliqué. Il met en avant la robe, qui n'était qu'un accessoire jusque-là, dans l'ombre du manteau. Comment ça un accessoire ? C'était le manteau qui était en priorité cousu. D'accord. La robe, c'était juste pour avoir quelque chose en dessous. Couverture. Ah oui, d'accord. C'est ça. Ok. Et il supprime la crinoline, qui était cette espèce d'énorme étoffe en crin de cheval et après qui avait des structures métalliques et qui faisait que la robe était énorme. Ah oui, d'accord. Cendrillon, okay. Quoi. Voilà, cendrillon, c'est d'accord. Ça. C'est comme une espèce de... Parapluie. Un jupon, mais un arc. Ouais, un arc, quoi, un arc. Voilà, c'est d'accord. Pas simple pour se déplacer, ouais. Ça. Non, c'était contraignant, quand même. Donc, il supprime ça, mais il garde quand même tout la base arrière. Il enlève ce qu'il y a devant, mais il garde cette crinoline pour la transformer sous le nom de tournure. D'accord. Donc là, c'est juste les fesses qui sont mises en avant. En avant, en arrière. Enfin, alors, en arrière. En arrière. Enfin, oui, enfin, voilà quoi. Ah oui. Voilà. Donc on voit donc les fesses, libère... on voit pas le devant, c'est ça. Voilà, okay. C'est ça. Non mais j'essaye un peu, c'est important de visualiser. Oui. Hein, ça reste, ça reste des baleines métalliques. Je en fait, verrais bien avec celle-là. Oui, c'est ça. C'est mignon. Pas hyper esthétique, si. Bah, c'est gonflé, quoi. C'est, oui. C'était la mode de l'époque. Bon, bah, c'est comme ça, oui. Ouais. C'est vrai que du coup, il libère les femmes petit à petit grâce à ça. Alors, il crée aussi des modèles inédits selon sa propre inspiration. C'est la première fois que ça arrive, puisque avant, on s'inspirait seulement des journaux de mode. Le couturier devient véritablement un artiste, alors qu'avant, c'était un artisan, parce qu'il décide lui-même des tissus, des accessoires et même du modèle à la place de la cliente. Ouais, c'est financièrement, un novateur, hein, ce... Voilà. Financièrement, du coup, il s'en sort mieux, puisqu'il vend et le tissu et le travail de confection. Pour les tissus, il fait appel à des fabricants lyonnais et c'est lui qui met même en place le principe du cycle de la mode avec des collections printemps-été et automne-hiver. Mais est-ce que c'est lui qui met le cycle des vêtements, des collections qu'on ne met jamais ? C'est-à-dire quand il y a des défilés de mode, est-ce que quelqu'un achète vraiment les robes de haute couture ? Non, alors c'est pas la haute couture. Non, c'est pas de la haute couture. Là, c'est pas ça. C'est le début de ce qu'on va voir après en haute couture. Ouais. D'accord. Ouais. Parce qu'après, ils se sont un peu plus lâchés. Oui, parce qu'après, là, on pouvait là, mettre... c'était porté. Vraiment, mais voilà. Aujourd'hui, c'est plus trop... Mis à part peut-être les gens qui ont suffisamment d'argent. Bah oui, c'est ça. Voilà, mais c'est difficilement portable, nous, dans notre vie de tous les jours. Exactement, ils sont très peu nombreux. Tu mets jamais de crinoline. Non, j'ai pas encore mis. Je suis le seul. Alors, après... Ce fameux Worth, du coup, continue dans sa lancée. Il fait même des essayages sur des vraies femmes. C'est la première fois qu'on voit ça, c'est une révolution. Avant, c'était que sur des mannequins, donc en bois. Et il organise même des défilés de mode. On n'avait jamais vu ça encore. C'était un avant-gardiste, en fait. Exactement. D'accord. Après lui, du coup, d'autres couturiers créateurs suivent ses traces. Notamment, on verra Jacques Doucet, Madame Paquin, Paul Poiret... etc, etc. Il y en a plein qui commencent leur activité. Moi, je ne connais pas tout ça. Jacques Doucet, Madame Paquin. On en parlera. Pourquoi Madame Paquin et Jacques Doucet ? Pourquoi Madame Paquin ne lui donne pas son prénom ? Hein, moi, je comprends. Je ne sais pas. Madame Paquin, on découvrira son prénom plus tard. Et du coup, ça se développe après ? Du coup, l'activité se développe. Les couturiers créateurs commencent à ouvrir d'autres maisons à Paris. Et à l'époque, on estime jusqu'à 400 000 ouvriers et ouvrières en France à partir du moment où Worth a cassé tous ces principes de base. Donc Worth, c'est l'instigateur de la couture, la alors. La couture, c'est et ça. Et c'est donc c'est lui qui a un petit peu initié ta passion aujourd'hui. Bah, non, on pas va du dire tout. Que oui, quand même. Oui, il a l'initiative, on va dire, de je tout ça. Je ne le savais pas, mais c'est quand même lui. C'est quand même lui. Voilà. Merci, Kiki, en tout cas, de nous avoir... Kiki, je dis Kiki, parce que je trouve ça sympathique, c'est mignon, c'est mimi. De nous expliquer un peu d'où vient cette couture. Et la haute couture, du coup, ça vient bien après. Ça vient après, oui. Parce qu'on est déjà en 1858, la haute couture, c'est 20e siècle quand même. Ouais, je pensais plutôt le début du 20e siècle. Du 20e siècle. D'accord, ok, allez, on fait une première pause musicale, les amis. On est plutôt bien, on commence tranquillement, hein, par s'habiller, vous l'avez vu, avec la couture de Christelle. Ensuite, on va écouter Clément plutôt que. Parce que nous, on le voit, hein, Clément. Hein, Clément oui, qui est arrivé en bien. Courant, hein, parce qu'il adore la radio. Il est arrivé en courant ici. Mais avant de retrouver Clément, on va écouter Nancy. Sinatra, tout le monde connaît. These boots. Alors attention, mon anglais est parfait. These boots are made for walking. Yes. Wow. Vous êtes à l'écoute d'un coup d'œil dans le rétro sur Fadjet, bien sûr. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux. On est ensemble jusque 18h. Bon début d'après-midi, enfin bonne fin d'après-midi à tous. You call love, but confess. You've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing. And you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a-changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. You keep playing where you shouldn't be playing. And you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Nancy Sinatra. Coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Ah les amis, on est bien, hein. On arrive tout doucement au week-end, on est content en tout cas de se retrouver, on danse un petit peu, ça, j'allais dire ça se tripote, je sais pas pourquoi j'ai utilisé ce mot-là. Ça se tripote. En fait j'étais en train d'utiliser, c'est des fois des mots qui sortent alors que c'est pas du tout ce que t'as dans la tête, ça se tripote pas du tout, mais ça gigote, c'était ça que ça je voulais trouver, oui, voilà. Plutôt, c'était oui, ça gigote, ça, ouais. Mais il y avait un hot là-dedans quand même. Hein. Ouais. Bon alors justement, Clément qui nous a rejoint depuis quelques temps, qui est actif au sein de son club, et notamment le club Saint-Lambert, et surtout un gros passionné, un grand passionné. Je modifie ton image à l'antenne. Hein. Ouais. Les gens vont imaginer. Comme ça, les gens vont penser que t'es un peu fat sweater, un personnage un peu costaud comme ça. Et ben notre Clément, c'est un passionné entre autres de jazz. Et là, je vais pas annoncer le personnage dont tu vas parler. Non, je vais te laisser faire plutôt. Ah oh ben écoute, avec plaisir. Alors justement, aujourd'hui, je ne vais pas parler uniquement de jazz, mais je vais parler d'un personnage qui a été très très important dans l'histoire de la musique américaine au XXe siècle, d'une part dans le jazz, mais pas uniquement. En fait, je vais tout simplement vous présenter le plus grand compositeur de la musique américaine du XXe siècle. D'accord. Reste dans les chroniques. Donc le modestes, plus grand, voilà. Les chroniques modestes. Le plus grand. Il n'y en a pas d'autres, les gars, c'est comme ça. De l'époque, en tout cas. De l'époque. Alors, donc voilà, quand on parle de musique américaine, il est impossible de ne pas parler de deux grands courants musicaux, de grands genres musicaux, qui ont tous deux connu une ascension fulgurante à l'époque. Il y a bien sûr, d'une part, le jazz, bien entendu, ouais. Et d'autre part, les musiques de variété présentes dans les comédies musicales. Oui, parce que Mozart, l'opéra rock, Notre-Dame de Paris, Le Roi Soleil, tout ça, et ben, ça respecte des règles et des codes qui ont été posés et inventés au début du XXe siècle. Ah bon ? Voilà, tout à fait, on ne réinvente plus rien, monsieur. Voilà, donc je vais parler pas mal de comédies musicales en fait. Voilà, donc on a des sujets un petit peu légers à Fadjet aussi, tu vois. Bah oui, non mais c'est ça. Et bah voilà. Et quand on dit comédie musicale, on dit quoi forcément ? Et ben forcément, qui dit comédie musicale dit New York. Ah. Ça rime avec New York. Donc, alors on va se replonger dans le passé, mais encore plus rétro que rétro, parce que là on est en 1870. Donc ça fait déjà quelques années, en 1870, que du côté de l'Europe, il y a Rossini et Offenbach, qui sont deux grands compositeurs européens, qui rencontrent un succès fou auprès du public de chez nous, grâce à une recette bien connue, une recette musicale bien connue, qui comporte trois ingrédients principaux. Donc premièrement, il y a une mélodie facile à retenir et à chanter. Donc quelque chose qui reste dans ta voilà, tête. Voilà, qui est facile à siffler et à chanter. Ah, à chanter, d'accord. Une histoire avec de la mythologie gréco-égyptienne. Alors ça, ils adoraient ça, les mecs. D'ailleurs, on ne réinvente plus rien. La semaine prochaine, il y a Thor Ragnarok qui sort et c'est exactement les mêmes recettes. Ouais, quand on met de la mythologie gréco-égyptienne, ça marche toujours. Et les troisièmes ingrédients, c'est des histoires de coucherie entre personnages, des trucs cochons. Ça marche. Voilà. Ça, alors, les trois ingrédients-là, voilà. C'était dans toutes les comédies musicales européennes et les opéras bouffes de l'époque. Hein. Tout ce qui est Rossini, de Barbier de Séville, c'est exactement ça. Et donc du coup ça, les producteurs de spectacles américains, donc de l'autre côté de l'Atlantique, ils l'avaient bien vu, ils avaient bien reconnu ça, et ils ont vite compris qu'il y avait moyen de se faire pas mal d'argent en important ce modèle-là aux États-Unis. C'est pourquoi il y a eu une énorme demande, mais une demande fulgurante en 1880 pour construire des dizaines de théâtres en plein cœur de New York pour importer les modèles de comédie musicale européens. Parce que, comme d'hab, c'est nous en Europe, en France et compagnie qui avions les bonnes idées, mais c'était les Américains qui étaient super bons pour les exploiter. Ouais. Et du coup, pour construire tous ces théâtres-là en plein cœur de New York, il fallait de la place. À ce moment-là, ils se sont creusés la tête, les mecs à New York, et le maire de l'époque, dont j'ai oublié le nom, a suggéré un endroit à Manhattan, juste au sud de Central Park, la seule avenue de la ville qui n'avait pas été tracée en quadrillage à l'équerre à l'époque. Elle correspond à un très large chemin, qui d'ailleurs, entre parenthèses, était déjà utilisé avant New York, à l'époque des Amérindiens. Ils avaient un dialecte pour nommer ce chemin, qui voulait dire chemin large. Et dans les années 1600, quand les colons hollandais sont arrivés pour fonder New York, ils ont nommé ce chemin en hollandais, Bred Weg. Donc, tout le monde a révisé ses cours de hollandais. Oui, c'est ça. Bred, c'est chemin et Weg, c'est large. Non, c'est l'inverse. C'était une question piège, je pense. Et donc, les mecs l'avaient appelé Bred Weg. Bon, revenons-en à nos Américains et à leur théâtre. Oui. Donc, on revient en 1880. Ça fait 250 ans que les Hollandais sont partis. Et la fameuse Bred Weg, bah, elle a gardé le même nom, mais les mecs, ils se sont juste contentés de traduire en anglais. Donc, large en anglais, ça se dit Broad. Ok. Broad. Et. Chemin, ça se dit ouais. Et ben voilà. Broadway. Là, le chemin large, voilà, tout simplement. Ah, et donc, c'était la seule avenue de New York qui était suffisamment grande pour pouvoir accueillir ces centaines de théâtres les uns à côté des autres. Et on commence le week-end de moins bête. Hein. Exactement. Ouais, tout le monde a hoché de la tête comme ça. Ah oui, bah, je vais sortir ça demain comme ça. Mais en soirée, voilà, tu brilles. Oui, voilà. Et mec, tu savais que. Ou lundi matin au café. Lundi matin au café. Et donc, c'est là, en plein cœur de la ville fourmillante de vie, que vont se construire tous les théâtres de l'époque. Bon, les types, là, les producteurs, ils étaient bien contents parce qu'ils commençaient à vendre leurs spectacles en masse, mais ils en voulaient toujours plus parce que c'est des promoteurs de spectacles. Donc ils en veulent toujours plus. Et c'est dans un contexte assez particulier où les pianos à l'époque devenaient de plus en plus accessibles. Tout un chacun pouvait commencer à se payer des pianos d'appartement, les pianos droits. Du coup, les producteurs de spectacles ont commencé à vouloir vendre les partitions des mélodies de leur spectacle au tout venant pour que les gens puissent le jouer chez eux, sur leur piano, chez eux, dans leur salon. Du coup, il y a un autre business parallèle qui s'est développé dans une rue adjacente à Broadway. Pour la petite histoire, c'est la 28e rue qui fait la jonction entre Broadway et je ne sais plus quelle autre grande avenue. Et en fait, les vendeurs de partitions, ils ont commencé à monter des boutiques de vente de partitions spécialisées là-dedans, donc vraiment juste à côté de Broadway. Et ils mettaient des pianos devant leur boutique, ils faisaient bosser des gamins qui jouaient les compos de leur patron, les compos du magasin, dans la rue, juste devant la vitrine, au bord de la route. Tout ça pour attirer les directeurs de théâtre de Broadway juste à côté. Donc les mecs, ils faisaient jouer les gamins, comme ça les directeurs de théâtre sur leur pause de midi, ils sortaient dans la rue pour aller manger, et ils entendaient les trucs. Alors c'était d'une part pour essayer de vendre leurs partitions et leurs mélodies aux nouvelles comédies musicales, mais en plus de ça, de vendre les partoches aussi aux passants qui déambulaient dans le coin. Voilà. Et donc c'est là qu'on arrive en 1910, donc le modèle théâtre plus magasin de partoches s'est déjà bien implanté depuis quelques années, et c'est là qu'on va retrouver le type dont je veux parler aujourd'hui, puisque j'ai toujours pas présenté mon musicien. Et c'était justement l'un de ces gamins employés d'une boutique qui était donc sur le bord de la route, qui jouait pour vendre les partoches de son patron. Le truc, c'est que le gamin, bon, c'était un descendant d'une pauvre famille juive immigrée, comme beaucoup de centaines d'autres gamins de l'époque, et ben lui, il était plutôt doué au piano, ce gars-là. Du coup, autodidacte complet, ça faisait une paire d'années qu'il faisait ce travail, il a à peu près 18 ans à ce moment-là, et il avait commencé à écrire lui-même quelques compositions. Bon, entre-temps, il a démarré en tant qu'autodidacte, et puis ses parents ont fini par voir son intérêt pour le piano et lui ont payé un prof. Bon, ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Du coup, le problème, c'est que son patron n'était pas trop d'accord pour qu'il joue lui-même ses compos. Du coup, le gamin, il finit par en avoir marre, et qu'est-ce qu'il fait? Il se taille de la boutique et il va voir ailleurs. Bon, manque de bol pour son ancien patron, le gamin en question va faire une ascension fulgurante dans le monde de la musique. Du coup, son ancien boss, malgré lui, va rejoindre, et là je cite André Manoukian, le club des managers qui sont passés à côté des plus belles signatures de leur vie. Le number one de ce club s'appelle Dick Rowe, plus connu sous le nom de l'homme qui a refusé de signer les Beatles. Qui s'en mangera voilà. Toute sa vie. Je ferme la parenthèse, donc on en revient au gamin. Il se fait engager dans un théâtre à Broadway, donc pas loin pour ceux qui suivent, comme pianiste de répétition. C'est-à-dire qu'il jouait pas pendant les shows, en tout cas pas au début, mais il jouait pendant les répétitions des chanteurs. Du coup, il est sans cesse en contact avec les artistes, les danseurs, les chanteurs, les paroliers, les metteurs en scène de spectacle, et tous ces gens du spectacle qui défilent dans les théâtres à l'époque. Et petit à petit, au fil des années, dans ce théâtre-là, quand il manque un petit intermède musical, 3 minutes, 5 minutes, et ben on lui propose lui de jouer ses compos et de laisser exprimer sa créativité. Voilà, donc Ce gamin en question, il s'appelle Jacob Gershowitz, mais il ne tarde pas à changer son patronyme en l'américanisant pour devenir plus connu sous le nom de George Gershwin. Voilà. I've been away from you a long time. I never thought I'd miss you so. Somehow I feel your love is real. Near you I wanna be. The birds are singing, it is song time. The banjo's running soft and low. I know that you yearn for me too. Swanee, you're calling me. La musique qu'on vient d'entendre s'appelle Swanee, composée par George Gershwin, alors âgé de 20 ans. Nous sommes en 1919. C'est elle qui sera son premier grand succès et qui va lui attirer la fortune. On vient d'entendre l'interprétation de la chanson par Al Jolson, très grand chanteur de jazz de l'époque, avec une voix et un vibrato très particulier. Elle est tirée de la bande originale du tout premier film parlant Le Chanteur de Jazz. Et oui, parce que le mec, non seulement sa chanson elle est repérée par un des plus grands chanteurs de jazz de l'époque, mais en plus elle est dans la bande-son du tout premier film parlant de l'histoire. En fait, le type, il est dans la première bande originale de l'histoire du cinéma, donc c'est quand même déjà pas rien à l'époque. Pour l'instant, il a 20 ans. Mais là où résidait tout le génie de Gershwin, c'était dans la manière dont il a su mélanger deux genres complètement opposés à l'époque, et c'est là où vraiment je suis admiratif de ce type-là, parce qu'il a su mélanger d'un côté le jazz et la musique, disons, légère, la musique de variété légère, populaire qu'on vient d'entendre, et la musique symphonique, classique, d'autre part. Et c'est ce que je vais vous faire entendre grâce à un dernier morceau qu'on va écouter tout à l'heure. Ouais. Donc, il a su, en fait, lui, le premier, avant tous les autres, il a su donner une réelle identité américaine à la musique classique. Parce qu'il faut dire que, bon, Beethoven, Mozart ou Rachmaninoff, ça sonne pas très américain tout ça. Bon, vous me direz Gershwin non plus. Non. Mais si tu veux, il n'y avait pas à l'époque de grands noms de la musique classique américaine. Il faut remettre les choses dans leur contexte. On est en 1920, le jazz est balbutiant. Hein, pour ceux qui ont suivi mes chroniques précédentes, le jazz a été enregistré pour la première fois en 1917. Donc on est vraiment dans un style de musique balbutiant. Et c'est quelque chose de très populaire qui est encore déconsidéré à l'époque par les classes intellectuelles et par les gens de la haute. Donc lui, il a su aussi, quelque part, donner ses lettres de noblesse en alliant jazz et notes de musique symphonique. En fait, il a carrément même fait un pied de nez à tout le système, parce qu'il a brisé les barrières et cassé les codes en composant une musique qui ne rentre ni dans la case du jazz, ni dans celle du classique, mais qui, de manière pionnière, a su mélanger les cultures. Et c'est en cela que c'est très américain comme façon de faire. D'autant plus que, et je parlais de cinéma tout à l'heure, vous allez comprendre en écoutant le fameux morceau que je vais absolument en tenir à vous faire écouter, que l'industrie d'Hollywood, qui était elle aussi balbutiante à l'époque, puisqu'on est dans les premiers films parlants, elle a rien inventé et a tout repris sur Gershwin et son type de musique. En fait, quand vous allez entendre le dernier morceau qui va venir, vous allez vous dire « Ah merde, ça fait vachement musique de film ». En fait, non, c'est la musique de film qui fait vachement Gershwin. Voilà, donc d'ailleurs, en plus de ça, le morceau qui va suivre, c'est le morceau le plus utilisé de toute l'histoire du cinéma, c'est le morceau le plus entendu dans les films. À l'heure actuelle. Donc, en plus de ça, on sent que le type a grandi dans les rues de New York en écoutant le morceau et est tombé amoureux de cette ville. Au fil des mesures, vous allez traverser les différents quartiers de la ville, croiser une vendeuse de litchi à Chinatown. Oh, litchi, j'aime bien. Ah, bah voilà. Ouais, bah parfait. Bah, tu vas rencontrer une vendeuse, tu vas passer dans Chinatown. D'accord. Tu vas survoler le périph, vas tomber sur un officier de police qui siffle un taxi jaune au coin de la 28e devant une bouche d'égout qui fume. C'est vraiment une belle déclaration d'amour à l'Amérique et à sa ville, et je vous laisse donc vous faire transporter par la Rhapsody in Blue, composée en 1924 par George Gershwin. Thank you. Rhapsody in Blue. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors on a voyagé hein, avec Clément, là, il nous a fait nous promener. En plus, on a l'impression d'être un petit peu un chouïa plus intelligent en ce qui me concerne. J'ai appris au moins aussi que Broadway, voilà, voulait dire rue large, enfin chemin large. Donc c'est plutôt bien et je vais l'utiliser à toutes les sauces. Ça, quand on m'apprend un truc, j'utilise pendant une semaine, mais tous les jours. tu vois, tous les jours. Et même dans des conversations qui sont complètement inappropriées. Tu vois, où t'arrives avec Broadway. Oui, le mec, tu dis, ouais, ça va pas trop aujourd'hui. Écoute, je vais t'apprendre un truc. Ça va te changer ta vie, mon gars. J'aime bien, t'es large d'esprit, t'es carrément Broadway. Et ben voilà. Quoi, t'es Broadway? Oui, parce que tu sais pas. Ah, bah attends, je vais te raconter tout ça. Donc voilà, c'est comme ça que ça se passe ici. Dans un coup d'œil dans le rétro. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur notre page Facebook Fadjet. Un coup d'œil dans le rétro. On va mettre des photos, on va relayer aussi des tas de choses parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de choses à vous montrer. Et on est ensemble, bien sûr, le troisième vendredi de chaque mois jusque 18h. Anaïk, on en est où dans les émission. Il est 17h30 maintenant. Alors, à qui donne-t-on la parole? On en est où? Et bah voilà, on a fait une fille, on a fait un garçon. Donc on a fait une fille, on a fait un garçon. Moi, j'étais pas au courant. Félicitations. On a une famille nombreuse. Ah, bah, donc, oui. Du coup, nous allons refaire une fille. Voilà. Ah, je l'apprends. Ce qui est bien, tu vois, tu choisis en plus. Tu dis, bah, je vais faire un enfant, je vais faire une fille. Et aujourd'hui, je fais une fille. Et donc, on va parler avec Laura des cabines téléphoniques. Des cabines téléphoniques, Laura. Ah bah non, j'écoute quelque chose de plus dynamique que ça, tiens. Dring, alors les cabines téléphoniques. À toi la parole. Alors, donc je vais vous parler des cabines téléphoniques. Donc pour la partie historique, la première cabine téléphonique en France est installée à Reims en 1883, quelques années après l'invention du téléphone. Donc il faut savoir que les premières cabines étaient construites en chêne, elles étaient capitonnées à l'intérieur et on pouvait trouver des accoudoirs réglables tapissés de velours. Alors en chêne, pourtant c'était pas un bois un peu, pas merisier, mais un peu, parce que du coup chêne c'est pas démesuré, mais un merisier, mais un bois foncé, non? C'était un bois clair comme ça? Assez foncé et costaud. Et costaud, d'accord. Donc ensuite les cabines ont poussé comme des champignons dans tout l'hexagone jusqu'à la fin des années 90. En 97, il y avait 300 000 cabines recensées en France. Ah, puis on les utilisait. On les utilisait. Moi, j'ai jamais vu d'accoudoir dans ma cabine téléphonique en aluminium. Ah oui, elles étaient en aluminium avec du verre. Et donc, les cabines étaient installées dans des espaces publics, majoritairement sur des trottoirs. Il n'y avait pas d'endroit particulier, parce que c'est vrai que finalement, elles s'étaient installées un petit peu partout. Mais est-ce qu'à un moment donné, je pense que c'est France Télécom qu'ils installaient ? France Télécom, oui. Ils regardaient vraiment l'endroit où ils la mettaient par rapport à l'affluence de gens qui avaient autour. C'était souvent près des postes, mairies, c'était stratégique. Une zone de passage. Voilà, près des arrêts de bus aussi. D'accord. Donc, elles avaient pour fonction première de pouvoir isoler les personnes des bruits ambiants de la rue pour qu'ils puissent passer des coups de fil ou les recevoir. Donc, elles fonctionnaient avec des cartes à puce ou des pièces de monnaie. Et il était possible de recevoir des appels au sein de la cabine grâce à un numéro de téléphone fixe qui était inscrit, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la cabine. Sûr. Rappelle-moi ce numéro, maman. T'attendais ton coup de fil. C'était ça. T'avais 50 centimes et tu et la sonnerie de la cabine était toujours un truc complètement non mélodique. Et souvent, t'avais des messages d'amour aussi. Je crois que j'ai un appel. C'est ça. T'avais des messages d'amour gravés aussi. Oui, c'est ça. Des numéros de téléphone que tu pouvais appeler si tu te sentais. Ou des personnes après qui logeaient directement dedans. C'était dans les toilettes, ça. Ouais, c'est vrai. C'était devenu des petits appartements, il fut un temps aussi. Hein. Donc, on trouvait aussi le bottin, quand il n'était pas volé. Ah oui, il y avait le bottin. Oui, il y avait le bottin qui était posé sous une petite tablette, je ne sais pas si c'est vrai. Oui, tu as raison. Ouais. Voilà, et il y avait aussi la liste des numéros d'urgence où, quand on était plus jeune, on pouvait faire des canulars, parce qu'il n'y avait pas besoin de carte à puce pour faire des canulars. Et moi, je trouvais sympathique de mettre des pièces, tu vois. Dans les films, il y a des films où le mec essayait d'appeler sa copine, il mettait des pièces, et ça coupait au moment crucial, et il tapait le combiné sur le truc, toujours, sur le truc très énervé, il tapait le combiné. La conversation s'arrêtait en plein milieu. C'est ça. Chérie, non. Et donc ça a disparu quand, ces cabines? Alors donc du coup l'exploitation du service des téléphones publics, donc des cabines, elle avait été confiée par France Télécom, qui a été ensuite renommée Orange. Donc en septembre 2017, on avait recensé que 5450 cabines encore rescapées en France, ce qui est très peu par rapport aux 300 000. Donc ce nombre a considérablement diminué en raison de l'expansion des téléphones, les portables. Donc Orange a décidé de les retirer progressivement parce que c'était plus du tout rentable pour eux, c'était plus un gouffre financier qu'autre chose. Donc Orange qui était nouvellement France Télécom. C'est ça. Ouais, ça. Et donc il est annoncé que d'ici la fin de cette année, voire début 2018, le retrait définitif de toutes les dernières cabines en France. Voilà. C'est triste. Donc c'est la loi Macron qui prévoit la suppression de l'obligation du service universel de publiphonie, donc en gros, c'est les téléphones publics, donc les cabines. Mais la condition, c'est que les communes concernées doivent être couvertes par le réseau mobile 3G. C'est ça, il en reste encore des zones blanches quand même encore en France. Il est prévu qu'il n'y en ait plus, je crois, on en avait parlé dans une des matinales, vers 2020, donc ça laisse encore un petit peu de temps, mine de rien. Oui. Et donc, pour vous parler un peu d'anecdotes en rapport avec les cabines, à New York, donc on va revenir à New York, les cabines ont été remplacées par des bornes Wi-Fi. Donc c'est des bornes qui permettent de recharger son téléphone, d'accéder à des informations sur la ville et de composer des numéros préenregistrés. Mais il y a une de ces cabines qui a été reprise par une société de sex toys. Quoi ? Oui. Et en fait, ils l'ont repris pour convertir la cabine en lieu de soulagement de stress pour les hommes. Je vous rappelle que cette semaine, un papy a été inculpé pour masturbation au centre-ville. Peut-être que s'il avait eu une cabine, il était peut-être stressé, papy. Il avait une cabine, ça aurait été sympa. Il faut savoir que c'est illégal aux États-Unis, donc il faut un lieu clos. Donc ils ont mis une chaise à l'intérieur de la cabine et ils pourront ramener leur ordinateur portable où il y aura une connexion Wi-Fi et bien évidemment les parois seront repeintes. Parce que là, j'allais dire, ici, c'est... T'as beau être dans la cabine, si c'est parpaing en noir... Oui, c'est ça, c'est comme s'il n'y avait pas de cabine. Celles-là, elles sont pas capitonnées, non. Donc, une autre anecdote, il y a un plasticien lyonnais qui a détourné une cabine en aquarium à poissons. Donc c'est assez stylé. Je crois que j'ai vu ce truc-là, ouais. Oui, à la fête des Lumières à Lyon, ouais, j'avais vu. Et du côté de Prague, il y a deux Tchèques qui avaient mené un projet de bibliocabine pour un hôpital pour permettre aux patients d'emprunter les livres. Et en fait, c'est une initiative qui a été reprise par plein de pays. Ça, c'est cool. Donc, il s'est développé en Grande-Bretagne, États-Unis, mais en Allemagne. Et bien justement, j'allais vous parler de la France. Donc nous, on peut se demander ce qui va rester des 5450 cabines. Donc a priori, il y aurait 1257 cabines sauvées qui vont être transformées soit en bibliothèque, soit dans d'autres projets culturels selon les communes. Et on peut en trouver près de chez nous. Donc à Villers-Vermois, il y a déjà une bibliothèque, enfin une bibliocabine qui a été installée. Et le maire a expliqué qu'il a dépensé qu'une cinquantaine d'euros pour juste remplacer la vitre. Enfin, c'est un coût très minime pour, voilà, pour pérenniser la cabine. Et pour celles qui ne connaîtront pas le même destin, hélas, y a la société Veolia qui se chargera de récupérer l'aluminium, le verre pour les recycler. Mais sachez quand même qu'il est possible d'en racheter une sur eBay, vous avez envie. Pour la mettre chez soi ? Oui, on peut. On en trouve en occasion entre 300 et 500 euros, j'ai regardé. Oh, c'est pas trop cher, ça va. Bon, après, il faut se la faire livrer puis la rentrer chez soi, quoi. C'est un peu compliqué. Après, tu peux la mettre dans le jardin si t'as un jardin et puis faire, je sais pas, une serre, un abri. Ça sert aussi à voyager dans le temps, les cabines téléphoniques. Ouais, Docteur Who, il voyage pas dans une cabine téléphonique. Personne regarde Docteur Who ici. Non. Non, tu sais, on est un peu con-con. Hein. Alors, les cabines anglaises. Oui. Moi, j'aime bien l'idée de se soulager dans les cabines. Tu peux très bien parler de ça, parce que j'allais vous demander si vous saviez pourquoi les cabines anglaises étaient rouges. Elles sont quand même plus fun que les nôtres quand même. Et t'en trouves même en France, je crois. Oui, à Caen il y en a une. Et à Caen, il y a Épinal, je crois qu'il y en a une aussi de cabines rouges comme au centre-ville. Alors tu nous posais la question, pourquoi elles sont rouges. Ouais, vous savez ça. Aucune idée. C'est un truc, un concours, je sais plus. C'est ça. C'était en 1923, donc il y a eu un concours national qui a été lancé. Et le but c'était de designer la cabine téléphonique pour qu'elle devienne une référence. Oui. Elle a été remportée par un architecte et en fait c'est devenu l'emblème légendaire du pays, quoi. Et elles vont aussi disparaître chez eux d'ici 2022. Donc les Anglais sont particulièrement énervés parce qu'ils y tiennent énormément. Donc elles s'arrachent à prix d'or chez eux. On peut en trouver d'ailleurs sur internet. Et là, elles sont vraiment belles pour le coup. Ah ouais, elles sont très belles. Et alors, il y a des Anglais qu'on a rachetées. Ils les ont mis chez eux pour les transformer en cabine de douche, en bar, en bibliothèque. Enfin, c'est plutôt c'est une chouette, bonne idée d'avoir ça dans sa salle de bain. Et pour terminer, est-ce que vous savez d'où vient le terme halo quand on décroche le combiné ? Non. Alors l'origine de ce mot, en fait, est assez lointaine. Elle viendrait de la salutation des marins anglais au 19e siècle qui disait hello. Donc c'est en réalité le hello provenant de l'anglais des États-Unis qui a été retranscrit en français allo. D'accord. Voilà. Eh ben écoute, qu'est-ce qu'on apprend là ? Et là, j'ai l'impression qu'on a passé un niveau, un côté de rétro. On apprend des tas de choses. Et en l'occurrence, oui, alors moi, ça me fait un petit pincement que c'est vrai que les cabines. Alors, je sais qu'aujourd'hui, malheureusement, elles deviennent des espèces de squats. C'est sale, ça devient insalubre, les vitres se cassent, etc. Donc, c'est pour ça aussi, c'est une question de sécurité, hein, un peu la disparition. Mais c'était quand même une sorte de monument un peu en France et même dans chaque pays. Quoi. On avait nos cabines téléphoniques. Aujourd'hui, on se les transporte avec nous dans une petite boîte. Sur nous, quoi. Mais c'était progressif parce qu'il y avait les pièces, après il y avait eu les cartes pour téléphoner. Ouais. Il y avait même des gens qui collectionnaient les cartes téléphoniques. Oui. Mais moi j'en ai collectionné quelques-unes. Hein, parce que c'est un peu comme les pins. Après chaque entreprise faisait sa carte téléphonique, tout comme les pins. Et du coup, c'était te retrouver. Alors je sais pas si ça a une valeur encore aujourd'hui. Ça aura peut-être de la valeur, hein, certainement. Après, comme tout revient, à un moment donné, ça en aura. Mais moi je me souviens avoir annoncé à mes parents que j'avais mon bac en fait en appelant. Dans la cabine rouge qu'on est à vieux. Caen, Normandie, où j'habitais. Quoi, tu vois, donc c'est... On est d'une vieillesse implacable. Bon, justement, en parlant de ça, c'est un peu un coup d'œil dans le rétro, c'est un peu l'idée quand même. C'est un titre de 1970. Merci à toi, Laura, pour cette chronique. C'est Mango Jerry in the Summertime. Tout le monde connaît ça, bien sûr. Bien sûr. Un coup d'œil dans le rétro, on est ensemble jusqu'à 18h. Bon début de week-end à vous. En tout cas, bonne fin de vendredi en notre compagnie. The sky when the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can turn or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it make as we please. When the weather's fine, we go fishing or go sailing in the sea. We're always happy, lads, we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy. Da da da, dee da da dee da da da da da. Single again, we go driving, or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends, and we'll all go into town. See what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you go down or a turn of 25. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I daddy, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, fishing or go swimming in the sea. We're always happy, last we're living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah, we're happy, da da da, dee da da dee. Mungo Jerry in the Summertime. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, il est 17h45, les amis. On vous accompagne tout doucement cette fin de journée, ce début de week-end. En tout cas, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On est encore ensemble pour un petit quart d'heure. Eh bien, on a balayé différents univers, que ce soit la musique, que ce soit la mode, que ce soit la décoration. Hein. Anaïk n'a pas beaucoup parlé, tiens, cette fois. Non, mais moi, j'apprends plein de choses. T'apprends plein de choses. Voilà, je suis ravie d'être là avec tous. Avec toutes et tous. Qui viendront peut-être chaque mois, vous viendrez chaque mois, ou comment on fera? Tiens, on n'est pas encore organisé sur tout ça, si? Mmh. Eh ben écoute, tant mieux, hein. On va donner aussi maintenant la parole à un petit nouveau. Alors lui, il vient nous en apprendre un petit peu plus sur une autre chose dont on a très peu parlé finalement depuis un coup d'œil dans le rétro. C'est le rétro gaming, c'est un peu ça, Adrien? C'est ça. Ah, eh ben alors, tu peux y aller. Eh ben tu peux y aller. Allons-y. Alors si ce son vous dit quelque chose, évidemment, il s'agit de Mario. Ah oui, on reconnaît. Eh oui, Mario. Je vais vous parler aujourd'hui de la Super NES Mini. Donc c'est une console qui, je n'en doute pas, n'aura pas échappé aux amoureux de rétro gaming ou de Nintendo. Il s'agit donc d'une version miniaturisée de la Super Nintendo. Alors, est-il nécessaire réellement de présenter la Super Nintendo? Oui. On va le faire. Même si moi je la connais, mais bon, après... Même pour les plus jeunes d'entre vous qui nous écoutez, voici une piqûre de rappel. Alors, la Super NES est sortie le 21 novembre 1990 au Japon. Donc, carton plein direct, puisque 1,5 million de consoles ont été commandées la première semaine. Ce qui était quand même assez énorme pour l'époque. Après, seulement 300 000 exemplaires ont été distribués le premier jour. Ce qui est quand même finalement assez peu. Pour l'anecdote, des milliers d'enfants ont séché l'école ce jour-là et des parents n'ont pas été bossés. Ça se passe encore aujourd'hui pour les sorties de consoles? Alors non, justement. Là maintenant, ça a été esquivé justement grâce au gouvernement finalement. Qui depuis en fait a imposé en fait aux constructeurs de sortir leurs consoles le week-end. Ah d'accord. Ah, d'accord. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus besoin de sécher les cours pour s'acheter une console. D'accord. Donc ça c'est plutôt bien pour les profs. En tout cas faut le dire, mais à sa sortie c'était un vrai bordel. Pour bien comprendre le truc, il faut s'imaginer que Nintendo communiquait très peu sur les réapprovisionnements des stocks en magasin, tout simplement pour éviter que les camions de livraison se fassent braquer. Donc on en était vraiment à ce niveau-là, quoi. C'était quand même assez énorme. Et enfin, la Super Nintendo sort en France en septembre 1992. À la base, elle était prévue en 93, et elle sort avec une avance, enfin en avance, pour rattraper son retard sur sa féroce concurrente de l'époque. Donc je sais pas si vous en souvenez, c'est la Mega Drive. La Mega Drive. Sega. Ah ouais. Voilà. Qui avait déjà une avance confortable en fait. Elle était déjà bien implantée, si vous voulez, aux États-Unis et sur le vieux continent à l'époque. Ils étaient meilleurs en com. Ouais. Voilà. Et justement, j'en parlerai après ça. À sa sortie, elle est livrée dans un pack contenant deux manettes et Super Mario World et coûte 1290 francs. Donc ouais, là on parle en francs. Hein, oui, c'est ça. Ouais. Cher, voilà. Quoi, non enfin, bah, alors non, justement. Non ça fait 200 ça, ouais, ça fait moins de 200 euros ouais. À l'époque, c'est ça. À l'époque, voilà, faut relativiser le truc aussi. Ouais. Et les jeux coûtaient, alors, ils étaient à 449 francs en moyenne, ouais. Ce qui fait 70 euros maintenant. Mmh. Mais pour l'époque, effectivement, c'était super cher. C'était pas un média qui était vraiment accessible pour tout le monde. Mmh. Faut le savoir. Après, si la Super Nintendo est aussi connue, c'est aussi car elle existait dans un contexte particulier. Et justement, là, on va reparler de la Mega Drive, car en effet, ceux qui ont connu cette période se souviennent très bien de ce qu'on appelait la guerre des consoles. En gros, à l'époque-là, il y avait clairement la team Nintendo et la team Sega. Ils se battaient, ouais. Limite, dans les cours d'école, ça se tapait dessus. Et faut dire, Sega, eux avaient en plus un slogan qui était très cool, c'était Sega, c'est plus fort que toi. Ah ouais, tout le monde s'en souvient de ça, ouais. Oui. Je sais pas si vous jouiez à l'époque ou pas. Est-ce que vous étiez plus. Moi, je jouais chez une copine, mais j'avais pas la chance aussi, d'en avoir une chez moi en fait. Ouais. Moi non plus. Je vais pas dire ça non plus parce qu'on va tous pleurer, mais c'est vrai que si j'allais jouer chez un pote. Des heures, c'était ça. Ouais. Ouais. T'étais sur quoi toi, par exemple J'ai commencé avec la Nintendo 64 parce que je suis un peu plus jeune, mais j'avais quand même la Super NES. Oui, la Nintendo. À l'époque, la 64, Sega avait déjà un peu perdu en gym, mais avec j'ai commencé à péricliter, donc voilà. Mais en fait, à l'époque, il y avait clairement deux écoles, en fait. Et Nintendo et Sega l'avaient bien compris, ils l'avaient bien provoqué aussi. Justement, il suffit de traîner un petit peu sur YouTube, même aujourd'hui, vous pouvez aller voir, et de regarder les pubs d'époque, qui en plus d'être super classe et vachement rétro, avaient le mérite d'être vraiment original. On pouvait clairement voir les deux firmes se lancer des pics, notamment de la part de Sega, qui était vraiment beaucoup plus virulent que Nintendo. Nintendo qui a une image quand même beaucoup plus familiale, beaucoup plus posée et qui va moins tirer la bourre à Sega. Mais à titre de comparaison, en fait, pour l'époque, les seuls qui se clashaient autant parmi d'interposés, c'était Pepsi et Coca-Cola. Ah oui. Et on se souvient tous, en fait, de la pub d'un enfant, en fait, qui va s'acheter, en fait, des canettes de Coca pour ensuite les poser par terre. Et il s'en sert comme marchepied pour accéder au fameux bouton qui va lui donner un Pepsi. Oui, voilà. Je me souviens de cette histoire. Donc ça, c'était vraiment le clash ultime à l'époque, quoi. Et on était clairement dans cet état d'esprit-là, en fait, dans les pubs de Nintendo et Sega. Et c'est aussi ça, en fait, qui a laissé une marque aussi importante dans la mémoire des joueurs. Et finalement, c'est Nintendo qui remporta la guerre de consoles avec 49 millions de consoles vendues dans le monde. Ce qui est quand même pas mal. 49 millions, ouais. 200 euros, Ouais. Et la Nintendo, qui était sortie vraiment avant la NES, avait fait, je crois, 69 millions. Donc c'était encore plus énorme pour l'époque. Le 29 septembre 2017 sortait la Super NES Mini. Donc c'est récent tout que ça. Tu nous ça as ramené, c'est récent, coup. Ouais, je l'ai ramené. On les montrera en photo d'ailleurs sur la page. Petite. Voilà, donc en fait, avant ils avaient commercialisé la Mini NES, et là ils ont fait la Super Mini NES, c'était pas trop étonnant. Parce que ça a été un carton plein à l'époque. Qui a le même look quand même, on garde le même. Ben en fait, ouais, c'est vraiment ça, ça garde clairement c'est le ouais, et elle tient dans la main quoi. Ouais. Voilà. Donc ils ont gardé vraiment les mêmes caractéristiques. Après je vais faire un petit peu l'impasse dessus parce qu'on trouve énormément de choses dessus sur internet. Donc je vais pas trop développer non plus. Mais en gros elle coûte 80 euros. Elle est livrée avec deux manettes, parce qu'on peut jouer à deux aussi, et 21 jeux qui sont inclus. Dans le lot on trouve des jeux mythiques comme Mario Kart, Super Mario World, F-Zero, donc King Kong Country, Zelda. Il y a Street Fighter 2, donc pour les amateurs de combat, Final Fantasy 3, Mega Man X, ou encore Star Fox 1 et 2, en sachant que le 2, c'est une exclusivité parce qu'il n'était jamais sorti avant. Mais dans une qualité meilleure quand même qu'à l'époque. Dans une qualité HD, en fait. Ouais, parce qu'elle est fournie avec un câble HDMI qui permet de pouvoir jouer sur les télés actuelles. Bah, parce qu'avant, je le rappelle, on jouait sur les télés cathodiques. Avec une Péritel. Voilà, avec une Péritel. Et aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de trouver ça. Donc l'esthétique de la console, en fait, on est vraiment très proche de l'original, à part qu'elle est vraiment toute petite. Les manettes, par contre, elles ne sont pas mini, hein, c'est vraiment des tailles standards comme à l'époque. Et là aussi, vraiment, Nintendo a vraiment bien bossé. Et pour résumer, donc, du coup, parce que c'était vraiment d'elle dont il était question à la base, la Super NES Mini, je dirais que c'est vraiment une réussite. Elle tape vraiment sur la corde nostalgique des joueurs. Maintenant, est-ce qu'on peut vraiment parler d'une innovation, d'une nouvelle console de Nintendo ? Pas vraiment, parce que du coup... C'est une réédition. Voilà, en fait, ouais. C'est ni plus ni moins qu'une réédition. Et en fait, c'est un support physique qui émule en HD vos vieux jeux, en fait, tout simplement. Il y a un petit côté où on touche l'affect un peu des consommateurs. C'est ça, oui, bah, ouais, clairement. C'est aussi à Nintendo depuis plusieurs années. Hein, c'est beaucoup de rééditions. Bah, c'est ça. Franchise. En même temps, ça fonctionne. Voilà, oui, ça marche. Et légalement, en fait, il faut savoir aussi qu'il est pas... on ne peut pas rajouter plus que les 20 jeux qui sont fournis. On ne peut pas racheter, on ne peut pas. Légalement, je dis bien. D'accord. Ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Mais parce que illégalement, c'est possible. Illégalement, c'est possible. Et c'est pourtant, déjà possible. C'est des cartouches particulières. Eh ben non, si tu veux, parce que en fait, la console, c'est comme un petit PC en fait. Là. Ah d'accord. Donc il y a une sorte de, on va dire, de mémoire interne avec des jeux qui sont inclus. C'est un système qui est fermé. D'accord. Et du coup, on peut pas rajouter plus de jeux, sauf maintenant les. Ne le faites pas. Voilà, mais faut pas le faire. Parce qu'à ce qui paraît, ça, après, la console n'est plus garantie et puis bah, c'est pas bien. Puis, d'accord, oui, c'est ça. Mais ceci est une autre histoire. Voilà. Ceci est une autre histoire. Mais il faut savoir aussi que du coup, voilà, c'est pas non plus une nouveauté parce que aujourd'hui il y a d'autres supports physiques qui existent aussi pour pouvoir émuler des dizaines de consoles différentes et des milliers de jeux sur votre salon aussi. Donc c'est déjà possible de le faire autrement que en passant par Nintendo. Néanmoins, c'est un produit officiel et on a le design d'origine, donc forcément c'est quelque chose qui va plaire en fait aux nostalgiques. Bah oui. Après, faut savoir aussi qu'il y a une véritable hype en fait autour de ce produit-là. Ce qui fait que c'est hyper compliqué de s'en procurer à l'heure actuelle. Pour l'anecdote, en fait, moi j'ai passé genre, je crois, toute une nuit devant mon PC à essayer de cliquer pour pouvoir juste réserver cette console. Parce que les gens le faisaient en même temps. Parce que les gens le faisaient en même temps, c'était vraiment... Une nuit. Ouais, quasiment. Ouais. Tu l'as acheté au moment où elle est sortie. Enfin, aujourd'hui, et là... Peut-être que là, c'est plus calme, tu vois. Peut-être que c'est plus calme, mais en fait, Nintendo en fait, profite justement aussi de ce truc de rareté pour, en fait, commercialiser peu d'exemplaires. D'accord, ouais, okay. Pour que, ça, que les gens se jettent dessus. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas étonnant de l'avoir sur Internet à 300 euros. Ils ont fait ça avec Pokémon Rouge à l'époque aussi. Ouais, mais Nintendo a toujours fait ça, en fait. Et pour conclure, du coup, bah, je dirais en fait que ça reste un bel objet, en fait, pour tout ce qui est... pour tous les amoureux, en fait, de rétro gaming, les collectionneurs. Et peut-être aussi, ça a le mérite de faire découvrir aussi un patrimoine du jeu vidéo en fait aux plus jeunes joueurs en fait aujourd'hui, et ça quand même je trouve que c'est quand même plutôt cool. C'est un beau petit objet de déco rétro aussi. Tout à fait. Bon, faut y jouer bien sûr, hein, c'est mais ça. C'est aussi un bel objet. Merci Adrien en tout cas de nous faire aussi voyager dans le passé, parce que alors là pour le coup, est-ce que ça concerne un peu les trentenaires, quarantenaires, pas ceux qui parlent autour de 20 ans, ils connaissent ils étaient tout petits, ils ont entendu parler mais voilà. Bon, ça nous dit qu'on est vieux, tout ça, malheureusement. N'est-ce pas ? Bon, les amis, mine de rien, l'émission avance tout doucettement et va arriver à son terme d'ici quelques minutes. Hein. On va écouter un titre, Anaï. Quel titre ? Dis-moi. D'ailleurs, c'est une réédition pour le coup, on est un peu dans le même registre. Alors oui, en fait, c'est un titre que vous avez entendu tout l'été. Je pense que ça vous a martelé l'esprit. C'est, ah oui, c'était... un titre du soleil qui fait danser, c'est Despacito, et en fait c'est une reprise par Mandy Gonzalez et Tony Desserre. Ok, donc vous allez voir, c'est une autre version qui fait un peu plus de bien, c'est parce que Despacito je peux plus l'entendre. Allez les amis, écoutez ce titre, on est ensemble encore jusque 18h bien sûr ce soir, prenez le temps sur Fadjet. Situation into heaven. Fit me, tell me, love, how you put it on. You got the only key, know how to turn it on. The way you nibble on my ear, on the words I wanna hear. Baby, take it slow so we could last long. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah. Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte besos despacito. Firmo las paredes de tu laberinto y hace de tu cuerpo todo el manuscrito. Oh, salto zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Une reprise de Mandy González et Tony Dessert, Despacito. Un coup d'œil dans le rétro, une fois par mois de 17h à 18h sur Fadjet 94,2 en modulation de fréquence. Alors, il nous reste encore quelques minutes et notamment eh bien, pour parler entre autres des sorties, n'est-ce pas Naïk ? Tout à fait François. Alors, bah, qu'est-ce qu'on a à faire ce week-end notamment ? Bah, samedi de 14h à 18h. Au Minton, donc rue de la Faïencerie à Nancy, vous pourrez retrouver nos amis de Frip Show. Donc, bah, ils reviennent. C'est qui ceux-là ? D'ailleurs, on les voit partout. Ils sont où là ? C'est qui ceux-là ? Et c'est qui ? Ils sont ici présents. Alors, on peut vous retrouver là-bas, vous ? Oui, donc c'est un pub où on va installer. Donc, on fait de la friperie ambulante éphémère pour la journée. Vous pourrez retrouver des vêtements hommes et femmes, donc collection automne, donc ça, des pulls, des vestes. Ah oui, on arrive dans l'hiver les amis. Oh. Des années 60 aux années 90, donc de la fringue vintage ainsi que des accessoires et quelques petits objets. Donc c'est ce samedi de 14h à 18h au Milton, rue de la Faïencerie à Nancy. Et c'est Frip Show, c'est la combien d'éditions ? La 4 ? 5 ? Non, en plus. Oh, plus, une dizaine. Ah, déjà, ah ouais, déjà. Ouais, déjà. Oh la vache, j'ai pas tout suivi, moi. Bah, oui, bon, bah écoutez, en tout cas, on vous donne rendez-vous demain et vous foncez-y. Jeudi 26 octobre, Anaïs. Jeudi 26 octobre, donc aux trois petits points à Nancy, vous pourrez retrouver donc, les jeudis rétro. Donc vous pouvez bah, prendre l'apéro en rematant un peu quelques épisodes de vos dessins animés préférés. Jouer à Crash Bandicoot, je sais pas si ça. J'adore. Non, reprenons comme t'as dit là. Crash. Voilà. Bon, en fait, je voulais que ça passe complètement inaperçu. C'est comme ça qu'on dit Adrien, Crash. Oui, c'est ça. Merci Adrien. Bon, bah, voilà. Écoutez, voilà. Qui était présent sur PlayStation 1. Donc, tout ça, bien sûr, en écoutant du Corona. Vous vous souvenez, Corona Non, c'est pas ça. Ou encore pire, du rock voisine. En fait, le but, quand même, est de jouer donc, avec vos jeux préférés. Voilà, les jeux préférés. Seul sur le sable, les yeux dans le. Ah, vache, ça pique. Bah, écoute, je fais ce que je peux. Pourtant, tout à l'heure, je chantais bien. On a aussi, on vous donne rendez-vous dimanche 29 octobre. À l'envers ou l'envers, je ne sais plus comment on le prononce. C'est la Peace Sunday, c'est la deuxième édition organisée par le Vide Dressing Nancy. On pourra y retrouver d'ailleurs l'atelier 1954, des objets à chiner, de la déco. Il y aura un brunch sur place et l'entrée est gratuite. Samedi 11 et dimanche 12 novembre, si on se trouve du côté de Strasbourg. À la boutique donc, Clockwork Orange, donc, l'événement donc, Bric-à-Brac Vintage revient donc, pour sa sixième édition pour le coup. Donc pareil, vous pourrez bah, y chiner du mobilier, des objets de déco, des luminaires, voilà, plein de choses en fait qui datent des années 50 à 80 et l'entrée est gratuite. Et gratuite. Alors, on fait notre auto-promo, hein, on l'a dit. Oui. Le Frip Show, c'est demain de 14h à 18h au Milton. Et si vous êtes eh bien, à l'écoute, on en parlera peut-être dans la prochaine émission. Je ne sais plus quelle sera la date de la prochaine émission. Alors, la prochaine, ça sera le 17 novembre. Eh bien, exactement. Parce que le dimanche 19 novembre, il y aura la nouvelle édition du spectacle du jazz. Le jazz à 100 ans à la salle Poirel et Clément va nous en dire quelques mots, parce que c'est déjà la deuxième édition finalement. Exactement. Dans la même année. Ah, voilà, parce que c'est la deuxième édition d'un spectacle qui a eu lieu le 26 février 2017, parce que le premier enregistrement de jazz de l'histoire a eu lieu le 26 février 1917. Donc du coup, cette année, ça fait 100 ans, et donc on a choisi, avec des musiciens lorrains, de créer, avec notamment un chef d'orchestre et l'asso Club Saint-Lambert, on a choisi de créer un spectacle de 2h30, qui est une frise chronologique musicale, qui reprend 100 ans d'histoire de musique, et qui fait jouer chacun des morceaux avec les principaux courant du jazz de représenter. Donc on commence même avant 1917 avec les origines, le blues, le gospel, et puis ensuite on arrive à l'époque du Charleston et le swing avec les big bands. Les places sont déjà disponibles, on peut déjà réserver ces places? Eh ben oui, les places sont en vente depuis quelques semaines maintenant. Là c'est tout pile dans un mois, donc le 19 novembre on est déjà à plus de 200 places de vendues. Mais donc faut dépêcher. Donc ouais, alors il y a la FNAC on peut, sur le site ou en boutique, et puis au guichet de la salle Poirel. Voilà, donc ça se passera à salle Poirel et ça sera présenté par un certain François Barthélémy d'ailleurs. Puis j'aime bien. Hein. Ça, c'est un autre rôle, c'est sympathique et j'apprends des tas de choses. Et pour le coup, c'est vraiment hyper. Franchement, prêche notre paroisse, mais c'est hyper accessible. C'est vraiment l'identité de ce projet. C'est que ce soit vraiment accessible à tous et tous, et aux enfants. Et c'est ludique. Voilà. Il y a même un danseur de claquettes. Et oui, voilà, c'est hyper ludique. Les amis, qu'est-ce que c'est ? C'est l'heure. Bah oui, prochaine émission, ce sera le 17 novembre. Est-ce que vous serez tous au rendez-vous vendredi 17 novembre ? Adrien. Oui. Oui. Oui. Adrien, Laura. Laura. Oui, oui. Kiki, oui. Clément. Ah bah oui. On va faire oui. tout pour, en tout cas. Anaïk aussi. Bien sûr, moi. Restez à l'écoute, les programmes continuent, en tout cas sur Fadjet. C'était un coup d'œil dans le rétro. On était très heureux de passer cette fin d'après-midi en votre compagnie. À bientôt. Ciao. Bon week-end à tous. Ciao. Bon week-end. Au revoir. Salut. Au revoir.